me say, oh, yeah. Let me speak to you, ya. Hit it with a big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bum, ya. Well, want a girl, fix it on panda stump, ya. Don't know about you, no man can't touch the rum, ya. Must he want to see him? Well, ...9.00 del viernes, arrancamos aquí Canaca Sessions en Radio Topo 101.8. Arrancamos este espacio nuevo de reggae, en el que traeremos también a grupos y artistas locales para que suenen aquí y nos muestren su música, siempre acompañados del mejor reggae. Lo que comentaba, a veces solos, a veces acompañados, pero siempre con la mejor música. Estrenamos aquí nuestro programa durante lo que espero que sea un largo periodo, sonando General Levy. Unstoppable, incredible love by many, many gala. Let me take it to the pit, I got my lyric and see the best style original. When me give it to the people, I bet them as I'm a rigging, I'm a style so mystical. It's general, let you come and get in the technique, I'm a sick in the hospital. To the maximum, I'm a take it to a level essential. When I'm in a one, when I'm in a two, when I'm in a three, when I'm in a four, when I'm in a five, this are the wickedest of the DJ in my life. When I'm in a five, when I'm in a four, when I'm in a three, when I'm in a two, when I'm in a one. Ruffian, run the original, let you miss a riot. When me run the place, coming to chill about Ruffian, rock it up. Felix and Asishana, a big up my virgin, him at the right hand. And when we come and dance, it is a big ganja song. So what? Flick, flick, flick, flick, that's a wee ganja split. Big up all weed addict and all ganja fanatic. When just flick, flick, flick, flick, that's a wee ganja split. Big up all weed addict and all ganja fanatic. I'm a similar number one, similar number one. All of the yellow, the minute, the blitz, I'm a similar number one. I'm a similar number one, similar number one. Similar number three, minute number two, coming number one. I'm a bad baby. I got my child in the shower. Oops, I'm taking six the draws of hour. Let me get when I'm in us. Let me get when I'm in us. When I'm in us. When you sit me there, when I got me sit the old prayers get shot. When they're coming at you, they're gonna walk through. Get my neck, check it, check it. General system with the computer tongue. Now my mouth fire the wrist like a repeater gun. I'm the master blaster, lyrical fire start to the faster talker. Regular gonna go hard to the faster talker. Regular gonna start that la la la la la la. I'm the master blaster, lyrical fire start to the faster talker. Regular gonna go hard to the faster talker. Lyrical start la la la la la la. Cause they turn up. Turn up the place. Burn up. People, get up. Stand up and rock. And we are fire, can't wake up and mash up the door. Nobody wicked me say nobody mad. Kind of fun, like the true love of a woman. All the good friends me have. Right, yeah. Como lo acaba de petar aquí este General Levy en Kanaka Sessions. Aquí estamos con muchas ganas todos los viernes, un día más. Vamos ahora con este Africa Blaco de Sunday Coulter. Mucho respeto para Sunday Coulter. J'écris ça dans une espèce de petite vibration avec un petit brin lapé au bec. Écoute bien le rêve. Ouais. Peut monter un peu la musique. Ce matin je me suis réveillé avec le cœur léger, le corps libre et l'esprit apaisé. Surprise en ouvrant ma fenêtre, l'air que je respirais doux et pur. Ouais, un oiseau vient et se pose et me dit ne pleure plus, je vais te montrer quelque chose. L'amour a survécu. Prends un tissu blanc pour te couvrir le corps. Dépêche-toi mais prends ton temps, je t'attends dehors. Alors je m'empresse de faire ce qu'il me dit. Je le retrouve et je lui dis oiseau je te suis. Alors il m'emmène rejoindre tous ces gens qui chantent et dansent pour exclamer leur joie. Tous habillés de la même façon, tous pieds nus, tous une feuille de palme à la main pour accueillir le roi. Juifs, musulmans et chrétiens, main dans la main, trinité, unité, vérité tout au long du chemin. Oh, voilà. Roll it. Hey. Ouais, hey, oh, hey, hey. Ce matin je me suis réveillé avec le cœur léger, le corps libre et l'esprit apaisé. Surprise en ouvrant ma fenêtre, l'air que je respirais doux et pur. Ouais, un oiseau vient et se pose et me dit ne pleure plus. Je vais te montrer quelque chose, l'amour a survécu. Prends un tissu blanc pour te couvrir le corps. Dépêche-toi mais prends ton temps, je t'attends dehors. Alors je m'empresse de faire ce qu'il me dit. Je le retrouve et je lui dis oiseau je te suis. Alors il m'emmène rejoindre tous ces gens qui chantent et dansent pour exclamer leur joie. Tous habillés de la même façon, tous pieds nus, tous une feuille de palme à la main pour accueillir le roi. Juifs, musulmans et chrétiens, main dans la main, trinité, unité, vérité tout au long du chemin. Aujourd'hui, yeah, yeah, yes, laissez-moi, je suis dans mon rêve. Laissez-moi, oh, oh, hey, hey. Aujourd'hui, ouais, yes, laissez-moi, je suis dans mon rêve. Laissez-moi. Écoute, hey, les animaux de toutes sortes sont conviés à la fête. Un majestueux lion me dit de poser ma main sur sa tête. Il dit ne crains rien car l'agneau est mon berger. Viens je vais te montrer le chemin, la vallée de la vérité. Je suis monté sur son dos et j'ai tenu sa crinière. Il s'était lancé très haut pour rejoindre une lumière. Les nuages défilent, il me fait traverser le ciel. Il me dit qu'il m'emmène là où l'eau est comme le miel. Que je comprendrai alors pourquoi le soleil se lève à l'est. Quand je verrai le regard du roi, son trône et son palais céleste. Il dit tu verras deux anges, ils connaissent tout sur toi. Ils t'ouvriront la porte si tu ne les déçois pas. Réponds à leurs questions avec une grande sincérité. Quelle que soit leur décision, accepte ce que tu as mérité. Nos chemins se séparent ici, suis la voix des gens qui chantent. Et le lion rugit est parti comme une étoile filante. Aujourd'hui, ouais, laissez-moi, je suis dans mon rêve. Ouais, laissez-moi. Ouais, mille et bien. M'y répète encore un coup. Aujourd'hui, ouais, laissez-moi, je suis dans mon rêve. Laissez-moi. Hey, hey. J'ai rejoint tous ces gens guidés par leur mélodie. Enivré par ce chant de leur voix en harmonie. Sans connaître les paroles, je me suis mise à chanter. Les mains en parabole, je me suis mise à l'appeler. Tous ces gens, tous ces visages venant de tout horizon, parlant tous le même langage pour chanter cette chanson. Les paroles disent que le retour du roi est pour bientôt, que le jugement tombera lorsque se brisera le septième sceau. Ouais. De ne pas connaître la peur, car ce roi est bon saint et sauveur. Que lui seul connaît la porte du ciel, qu'il vient chercher les croyants pour le royaume de l'éternel. De ne pas connaître la peur, car ce roi est bon saint et sauveur. Que lui seul connaît la porte du ciel. D'enfant du soleil, hey, parce que j'ai ouvert les yeux sur sa grande force, sur sa merveille. Hey, hey. Tcha! Tcha est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Ah oui, le frère, comme il s'en moi donne tracas, comme il est la bonne souci. Mais répète encore ça. Tcha est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Tcha, ma forteresse, ma protection. Alléluia! On y retourne. Hey, hey, parce qu'il me donne la force, l'inspiration. Hey, il me donne son love, sa protection. Wow. Tcha, tcha est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Tcha, mon amour, ma protection. Ma seule richesse et sa bénédiction. Oh, oh. Tcha est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Oh, oh. Alléluia. Il est ma force, il est ma protection. Il est mon écorce, mon inspiration. Il est mon courage, ma détermination. Il est mon berger, mon guide, ma libération. Ma forteresse imprenable pour le diable et ses démons. Son amour est sagesse, son amour est pardon. Il est mon abri, son amour est mon refuge. Il est mon armure, il est mon seul juge. Oh, Dieu est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Dieu est ma forteresse, ma protection, ma seule richesse et sa bénédiction. Oh oh, Dja est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Oh oh, Allah Wakba. Hey, mes pieds touchent terre, mais mon âme, elle a des ailes. Car l'amour de Dja l'emporte et l'emmène vers le ciel. L'amour de Dja fait battre mon cœur. Son amour vit en moi, il est mon créateur. Je suis son serviteur et je veux lui rester fidèle. Son amour est protecteur, il faut répondre à son appel. Son amour est la réponse à nos questions existentielles. Rien de plus palpable, il n'y a rien de plus réel. Dja est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Dja. Ah oui, pour le bonheur qu'on donne à main. Bientôt donne à main mon deuxième armaï. Ouais, ça mon deuxième couronne, mais il est comme un roi asté. Ouais, alors il chante avec le cœur, rien que pour. Tcha! Ah, Tcha est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Tcha est ma forteresse, ma protection. Ma seule richesse, c'est sa bénédiction. Oh oh, Tcha est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Oh oh, Tcha, Tcha. Enfant du soleil disponible sur le net. C'est gratuit, tu frappes, puis rentre, on va la tête. Africa.net, bien note et va écouter. On est toujours là pour toi, pour donner du reggae. Même si les grosses vaches veulent nous boycotter, on a toujours le cœur ouvert pour la populace. Donc allez leur dire qu'on est là et qu'on lâche des vibes sur Generation One. Tcha est ma force pour ne pas plier. Face au diable, il est mon épée, mon bouclier. Tcha est ma forteresse, ma protection. Ma seule richesse et sa bénédiction. Oh oh, hey. Enfant du soleil sur le net. Hey, gratuit, enfant frère, du soleil sur le net. Sonaba aquí en Radio Topo 101.8 en Zaragoza, sonaba África de Sunday Culture, un vídeo del 2010 abriendo un poco de aperitivo de lo que iba a ser Kanaka Sessions. ¿Qué te parece, Charlie? Increíble, la verdad es que Blacko es un tipo para escucharlo. Yo lo escuché el verano pasado, todo el verano seguido, y es un tipo para escucharlo, de verdad. Y no sé, un disco muy recomendado por mí, por ejemplo, Enfant du Soleil, es muy buen disco de Blacko. Y la verdad es que Africaf es un temazo, no lo había escuchado, pero me parece un temazo ahora mismo esta sesión. Y hay que seguir compartiéndolo para cualquiera que le guste Danakil o Davin, que es uno de los grandes. Blacko es uno de los grandes también. Bonitas palabras de Charlie, eso es, hacia Blacko. Vamos allá con Damian Marley, que habla de fondo. Habla de fondo con We No Speak Jamaicano. Bueno, no está mal. Remix de Bamba. Bien, suena bien. A ver qué tal, qué te parece. ¿Qué te parece? Dale, dale. Now it's in junior gone, can't turn it out. Fighting the verses till I scream murder out. The kings is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with you coming, renegades. Comentábamos que tendríamos artistas aquí en directo, Charlie, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues lo único que sé y que te puedo decir por ahora es que vamos a estar aquí haciendo más programillas cada viernes y que intentaremos traer a los artistas que la gente conoce poquito de aquí de Zaragoza. Ajá. Y que pues eso, que no saben todavía dónde lanzarse, pues esta va a ser la plataforma donde subirse a que nos escuchen más aquí en la aquí, ciudad, ¿no? Aquí tendrán su plataforma, sí señor. Bien dicho, en Kanaka Sessions los viernes de 9 a 10 traeremos gente para que nos toque aquí en directo, tendremos sonido en directo. Grabaremos también para colgarlo en Facebook, sobre todo, y que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Perdón, perdón. Dime, adelante. Hacer una llamada a MCs, músicos... Por supuesto, cuidado, se está tirando a la piscina el caballero. Volvamos con la música aquí en Radio Topo 101.8. Kings is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with you coming, renegades, and appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on. Here I got buffin' and we day up on them. She wa la la la la la la long them. from St. Thomas straight to St. Cannon. Bang, ba-da-ba, bang, ba-da-ba, bang, ba-da-bang. We love the music more than all of them. All of my fans, put up your hand, them. Reggae music, a world without end. Love it in the morning, in the night, in the noon. Watch how me dress up in a me dear costume. Ready for go dance off, me show still known. Girls, them a smile when them smell me perfume. And we love the music like every day. When we rap, bam, bam, bam, rock, I'm up in DJ. When me, she rip me, like pull up and pull it up again. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more ragga, we give them. So pull it up, let them rewind come again. S'ils veulent des lyrics, faut qu'on se les mène. S'ils veulent plus de dancehall, on en ramène. S'ils veulent plus de vibes, on en enchaîne. The style and the melody, and from a distance you hear the quality. And when we bring it straight to the sound factory, and when we pick it up, back it full of clarity. Tu sais qu'on a du style, on a les mélodies. Que tout ce qui sort d'ici sera de qualité. Une nouvelle connexion de Biscaramucci. Raga ding ding, give me the mic et laisse rouler. So play this one for your radio. Saint-Thomas au fond c'est juste à côté. Laisse-moi te prouver qu'on peut faire ça dans l'unité. Ensemble on va faire face, on revient t'ambiancer. Big tune, bad tune, play DJ. They want more fire, we give them. They want more music, we give them. So they want more ragga, we give them. So pull it up, let them rewind, come again. S'ils veulent des lyrics, faut qu'on se démène. S'ils veulent plus de dancehall, on en ramène. S'ils veulent plus de vibes, on en enchaîne. Again. You don't know worldwide team Scarra Dub Inc. internationally. We'll do skibbity bums, skibbity bums, skibbity bums, dang. Skibbity bums, skibbity bums, skibbity bums, dang. Tree la la la la la la la long lang. And tree ba da ba da ba da ba. Increíble este temazo, increíble este temazo de Dub Inc. They Want More Fire con Scaramucci del álbum Paradise. Bueno, quería recordaros que bueno, antes estaba diciendo que quería hacer una llamada a todos los cantantes, bandas, grupos de música en general de Zaragoza, que se animen a escribirnos a canacasessions@gmail.com para, pues eso, para contactar, para llegar hacia nosotros y a venir aquí a contarnos sus proyectos, a contarnos su música y todo eso, ¿ok? Seguimos con Naman, We All, con Ja Generation. Vamos a darle caña. Esto es Kanaka Session, señores. Allume plutôt les haut-parleurs. Pour le public, pour ma génération, 3 pour les phases 4, pour la zig de toutes les façons. On s'arrête pas, non, on s'offre pas de sitôt. Pour vos gros talents, derrière le même micro. On avance ensemble côte à côte avec le même but. Là on y croit, on ne lâche pas l'affaire. On se lève quand on chute unis. Sans l'amitié, la musique nous rend plus fort dans les plus. Tu n'es pas l'habitude de chanter pour les prunes, encore moins de chanter pour la thune, tu sais. Ici et maintenant, c'est ici et maintenant que l'on cultive cette flamme. On vit ça ensemble, on vit ça tous ensemble. Que l'on cœur s'enflamme. It's time to a party. We set it up nice as you want. Just a bounce as you want. We all, we all, we all, we all, we all, we all, we all, we all, we all, we all, we all, we all, we all, on a le chalumeau quand t'as le silex. Je reçois ce coup de fil de Fat Bab. Dans la minute on arrive à 3 en 2-2 sur un 4-4. Je pars sur le tarmac, j'attrape ce pur beat, le brûle vif. Hashtag Jeanne d'Arc, les plats pour l'Olympia. Donc on arrive en équipe, on s'éteindra jamais comme la flamme olympique. We work on the dance till 6 a.m. All tribal coming out in musical dream. Move your feet like a burning flame. the matches light up them brain. Back to the bone, green and fresh till the end. You don't know me, you soon hear my name. Tell everybody my boss around the game. Hey yo, fat bab, se redémarre, ils en redemandent. T'as ceux qui foutent le feu et puis t'as ceux qui flambent. Tu peux compter sur ma bande, brûlant depuis les boss cassettes. La rime vient de sortir du four, thermostat 7. Vas-y, hoche la tête, on s'occupe de la cuisson. C'est chaud et ça te procure des frissons. Ramène des skanking shoes si tu veux tenir la distance. Allô l'Olympia, on passe au plat de résistance. Wesh l'équipe, bah alors on n'attend pas Francis. Paix éternelle, un message, longue vie à nos vies d'artistes. Le nom d'un pote en grosses lettres rouges, ça ne me rend pas triste. J'ai la banane au max comme Fat Pap, j'ai Bruno Coca-Trix. Le temps passe et passe et j'ai pas vu les choses changer. Les ans plus tard, toujours soudés devant les massifs déchaînés. Faire le bilan, me prendrai Milan à l'Olympia en fin septembre. Prenant tes potes, on passe des temps. Car ça le rend la main le change. Set it up nice as you want it. We all, we all, we all, we all want to go. Going to a party, got the record just a bounce as you want it. Fame and the limelight. You only see a rising star, but you never know that I come from far. The long journeys and the tiring trips. When I'm on the road, enough space me off to skip. Today I'm in Trinidad, tomorrow in Brazil for a big stage show. I've got to work, I've got to pay the price, I've got to work, I've got to sacrifice. Respect to the working class. Lazy body better get off your ass. Got to work, gotta sacrifice, got to work. In a this your life. When you put your shoulders to the wheel, what a good, good vibes you will find. I go to the north and I go south. I go east, west, so I'm all about doing my work, of course. Treading with the most, I am well on course. Radio interviews and the sound checks. Jingles the place and I just can't forget. Bully for times I practice to bring my people sweet roots music. So I've got to work, I've got to pay the price, I've got to work, got to sacrifice. Respect to the working class. Lazy body better get off your ass. Got to work, got to sacrifice, got to work, got to pay the price. When you put your shoulders to the wheel, what a good, good vibes you will feel. Oh, you've got to work, got to sacrifice, you've got to work, in a this your life. Respect to the working class, me know you reap the benefit at last. You got to gain some and you got to lose. You got to give and take, watch the road you choose. Buckle up your belt tight on your shoes. Life is a journey, you have to move. Things you are trendsetter. Keep in mind and just remember, nothing really lasts forever. No, no, I've got to work, got to pay the price, got to work, got to sacrifice. Respect to the working class. Lazy body better get off your ass. Got to work, got to sacrifice, got to work, in a different life. When you put your shoulders to the wheel, what a good, good vibes you feel. You take a right, you can even take a love your shift. Oh, you work it, oh, you twerk it, oh, you turn and oh, you twist. Cause your shape is like a gift, precious and sacred. And you have to cherish it, cause it's real and priceless. Bueno, y vamos ahora con este pepino de Shape of You de General Levy, la mejor versión que he escuchado de este tema en mi vida. Aquí en Kanaka Sessions, en Radio Topo 101.8. So big up on the girl, go watch it, but keep that body in a trip. I'm in love with the shape of aerobics and Zumba. I kept it swinging, keep your body moving. I'm in love with the shape of. You take a walk, you take a run, you take a ride, you can even take a swim. I'm in love with the shape of. Regular, you're running on the treadmill, it's looking like you're going in. I'm in love with the shape of. Well, some of them sit it up, some of them lift it up, some of them press it up. Working from them stomach, summertime is coming up. You need to eat your good food. And your calorie, eat your vegetables and drink up your smoothie. You was overweight, but look how you lose it. They used to call you fluffy, now you're bad at your bougie aerobics. You got to control it, then ride the circuit, cause you know you're worth it. Bim, ow! Big up the gun, so go watch him and do the thing and kick them body in a trim. I'm in love with the shape of aerobics and Zumba. I kept the swing it, keep your body moving. You take a run, you take a ride, you can even take a swim. I'm in love with the shape of. Regular, you're running on the treadmill, looking like you're going in. I'm in love with the shape of. Yo, we have to congratulate, because your body looking great. Drink up your protein shake, your shape will mash up the place. Some of them short and some of them tall and some of them fat and some of them slim. But no matter how they stay, we still like give them the loving big away. Big up the girl, you do them exercising. Have the beauty outside and the beauty within. Bim! Big up the girl, go to gym and do them thing and keep their body in a trim. I'm in love with the shape of. Aerobics and Zumba, I keep the swing and keep your body moving. I'm in love with the shape of. You take a walk, you take a run, you take a ride, you can even take a swim. I'm in love with the shape of. It's regular, you're running on the treadmill, it looking like you're going in. I'm in love with the shape of. Your shape is legend, eh. Be a this is a summer special. We love to see you ride and you a push the pedal. You pick up the girl, go watch him and do that thing and keep them body in a trim. I'm in love with the shape of. I row up big and Zumba, I kept the swing and keep your body moving. I'm in love with the shape of. You take a walk, you take a run, you take a ride, or you can even take a swim. I'm in love with the shape of. Regular, you're running on the treadmill, it's looking like you're going in. I'm in love with the shape of. Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, I have no fear. Be aware, and your mind must be clear. Under any circumstance, Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, you are you. The city life is the shitty life for me. So much confusion, I've been passing on the sea. People rushing with no place to go, no direction, and I have to cool and take it slow. Even when I am driving in my car, or you don't get a chance to leave the city very far. Keep focus on truth with meditation and prayer. God will show you you can go anywhere, so be aware. And your mind must be clear under any circumstance. Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, I am not fear. Be aware. And your mind must be clear under any circumstance. Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, you are you. Walking through the woods with your backpack full of gear is fine, but realize that you gotta be aware. I know it's hard and I'm glad to be there, but I will see so much more if my mind stays clear. Jah is speaking, just listen to the birds, cause the plants and the animals are all messengers. So creation, cause your earth is all in it. We are one creation, so be aware. And your mind must be clear under any circumstance. Your message you have to hear. No matter where you go, Jah is always it. So in the face of evil, I and I have no fear, be aware. And your mind must be clear under any circumstance. Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, yo, yo, hey, yo, then. To survive in those days, till Babylon came with their false reality. The earth used to provide more than we could ever need. Now it seems like we're going the wrong way. Forward, ever backwards, never as a wise man say. Let us go back to the way they used to live, so the earth can be around for our children, kids to be aware. And your mind must be clear under any circumstance. Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, I and I have no fear, be aware. And your mind must be clear under any circumstance. Jah message you have to hear. No matter where you go, Jah is always there. So in the face of evil, you are you, hey, you then. Temazo de Soya, Forget, Don't Forget. Soldier of Jah. Bueno, seguimos aquí con Straka de Ganja María, el siguiente tune. Pero antes queríamos recordaros lo del Gmail, que podéis enviarnos a kanakasessions@gmail.com para eso, para enseñarnos lo que queréis mostrar. Nosotros también traeremos, pero queremos también que conectéis con nosotros, ¿ok? Y seguimos con Straka de Ganja María Generation. Seguimos adelante, Kanaka Sessions, Radio Topo 108.7. Sortez l'esprit, allumez-les. Les chalices, allumez-les. Sortez l'esprit, allumez-les. Les chalices, allumez-les. C'est bien dommage que la douane débarque avec les armes. On devrait plutôt s'asseoir ensemble pour fumer. Trois de main, les esprits sont allumés. Et on fait tourner le calumé. Dans les airs comme Jordan, de Kingston à Panam. On dit que je suis perché comme si j'avais spoke la weed à Vandam. Je n'ai pas d'hallucination, on n'a pas de libération. Ton corps redescend la pression. Ou oh, comme une feuille de marijuana. Tu donnerais au-dessus de la stratosphère. Le vrai du TS, c'est pour détendre l'atmosphère. Une feuille de marijuana. Tu donnerais au-dessus de la stratosphère. Le vrai du TS, c'est pour détendre l'atmosphère. Sortez l'esprit, allumez-les. Les chalices, allumez-les. Sortez l'esprit, allumez-les. Les chalices, allumez-les. Je voudrais des cookies de Kaya, des bonnies, des cadeaux, des cupcakes de Kaya. Une guitare, un violon fabriqué en bois de Kaya. Des balafons, des jégas, des corps toujours en Kaya. On met le feu dans la Kaya, ça brûle les vampires. Génération H, c'est génération Kaya. Comme Marley disait hier, on est à Kaya. Chaque année, te quiero, Marie. Comme une feuille de marijuana. Qui parlerait au-dessus de la stratosphère. Le vrai du TS, c'est pour détendre l'atmosphère. Une feuille de marijuana. Qui parlerait au-dessus de la stratosphère. Le vrai du TS, c'est pour détendre l'atmosphère. Une feuille de marijuana. Some of them girls are talk about them hot girl. And if a man don't feed them don't eat nothing. So they're gonna stop up on Instagram and Twitter. I want a gem. I mean, say push my own a key in a door. I mean, say drive my own a car. Apurando ya la hora de reggae aquí en Radio Topo 101.8, amigo Charlie, a ver si nos lo aprendemos de una vez. Y bueno, aquí entra Biz Cartel con este pedazo de tema que nos encanta aquí muchísimo, señores, empezando el fin de semana aquí en Kanaka Sessions. Suck your mother yassa, hotter than the tina, the cup inna the sasa. Me a watch, them a watch, pay them a pray. My skin make you think me a color TV, but me no TV. For your few youth, me no YouTube. What do you youth? What do you youth? Yo, what do you youth? What do you youth? Yo, what do you youth? What do you youth? Yo, what do you youth? You my red eye, you my blue throat. Girl with no ear, look alright, but it all here, girl, hotter than When me see a shiny girl, me see avatar. Drive past that in a the sound turn up. And the AC, high school, Calabar. And if I no girl in a it, a me wanna bar. I joke me a next star. Me and the thugs, them we step star. Tell Gleena, I know them alone next star. Me next star as well. Bring them to the world. Now I want leap a money, them a next star. All of me youth, them go prep star. Me a watch, them a watch, pay them a pray. My skin make you think me a color TV. But me no TV, for your few youth. Me no YouTube, what do you youth? What do you youth, yo, what do you youth? What do you youth, yo, what do you youth? What do you youth, yo, what do you youth? You my red eye, you my blue throat. Why don't you know it? Why don't you know it? Why don't you know it? You my red eye, you my blue throat. Why don't you know it? Why don't you know it? Why don't you know it? Money and the cars are bad man, bad man. Money and the cars are bad man, bad man. So come on, dance. Suck your mother, yes, bad man. Me a watch, them a watch, pay them a pray. My skin make you think me a color TV. But me no TV, see your few youth. Me no YouTube, what do you youth? What do you youth, yo, what do you youth? What do you youth, yo, what do you youth? What do you youth, yo, what do you youth? Yo, my red eye. Sonando muy fuerte aquí Biz Kartel en Kanaka Sessions. ¿Qué me cuentas, Samuel? Bueno, y vamos ahora con este Sona Llevarte, tema que le quiero dedicar a todos los gambianos y en especial a mi amigo Max. Sweet Mother Earth, let me shine. Let me see your colors, your big eyes. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. Bueno, bueno, menudo temazo de Wicked Dub Division. Esto se acaba ya, esto es Kanaka Sessions con doble N y con doble S. Estaremos dando caña todos los viernes, ¿ok? Aquí a las 9 hasta las 10, esa horita loca. Ya sabéis dónde escribirnos, ya sabéis dónde encontrarnos. Aquí estaremos en Radio Topo 101.8, perdonad mi dislexia. y seguiremos dándolo todo, el reggae, todo el dancehall, todo el dub, todo lo que es, vamos, buenas vibras para Zaragoza. Like the flower, gold like the sun, blue like the ocean, green like the forest, red like the heart, blue like the sky, red, gold and green. Green 'cause the trees are green, yes. Red 'cause the roses are red, yes. Red, gold and green, red, gold and green, red, gold and green. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime, oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime, oh mama. Man can't touch the rock, yeah. Cause he wants to be in. Well,